Un épisode de la vie de M. Watkins Tuttle par Charles Dickens. Chapitre 1er. C'est une vérité proverbiale que le mariage est une grave entreprise. Il en est de cette calamiteuse aventure comme du penchant pour l'eau de vie. L'homme s'y fourvoie aisément et s'en dépêtre avec peine. Allez donc dire aux célibataires endurcis qu'il ne s'agit que d'un plongeon à faire, après lequel tout est fini. La même assurance est donnée aux condamnés à mort et les tristes victimes en retirent à peu près autant de soulagement dans un cas que dans l'autre. M. Watkins Tuttle était un singulier mélange de luxurieuse faiblesse et de pusillanimité anticonjugale sans précédent. Il avait 50 ans environ et chaussé, mesurait 5 pieds, 6 pouces et 3 quarts. Potelé, net et vermeil, on eût pu croire qu'il venait de s'échapper de quelques vignettes des œuvres de Richardson. Il vivait d'une rente viagère merveilleusement assortie sous un rapport à celui qui en était propriétaire. Elle était des plus exiguës. Il la touchait le lundi de quinzaine en quinzaine, mais avec la régularité d'un chronomètre, 24 heures après la fin de la première semaine, ses ressources étaient épuisées. Alors, pour compléter la comparaison, son hôtesse le remontait et elle se remettait en marche grâce au retour de ce crédit périodique. M. Watkins Tuttle avait longtemps vécu dans un état tout simplement béatifique, à en croire les célibataires, ou tout simplement exécrable, à en croire les filles à marier. Toutefois, les idées matrimoniales n'avaient jamais cessé de le hanter. Perdu dans de profondes rêveries sur ce thème inépuisable, sa pensée transformait son petit logis de Cecil Street en une jolie maison dans les faubourgs. Le demi-quintal de poussière en ce moment enfoui sous l'escalier de la cuisine se changeait soudainement en 3 tonnes d'excellent charbon de terre. Sa petite couchette à la française se convertissait en une vaste couche matrimoniale à 4 colonnes et baldaquin. Et sur la chaise vide, de l'autre côté de la cheminée, son imagination asseyait une belle jeune fille douée d'une indépendance de caractère aussi restreinte que son indépendance de situation était complète. « Qui est là ?» demanda certains soirs M. Watkins Tuttle, qu'un léger coup frappé à la porte de sa chambre avait arraché à ses méditations. Rendant question pour question, « Tuttle, mon cher garçon, comment allez-vous » dit un petit monsieur vieillot, à la voix rauquée, qui fit irruption dans l'appartement. Puis ils se serrèrent la main avec beaucoup de solennité. « Je vous avais annoncé que vous me verriez tomber chez vous un de ces soirs, » dit le petit bout d'homme en abandonnant son chapeau à Tuttle, après un court échange de cérémonie. « Ravi de vous voir, en vérité, » dit M. Watkins Tuttle, qui souhaitait, à part lui, que le visiteur fût tombé au bout de la rue dans la Tamise au lieu de tomber chez lui. La quinzaine touchait à sa fin et Watkins était à sec. « Comment se porte Mrs. Gabriel Parsons ?»« À merveille, je vous remercie, » répondit M. Gabriel Parsons. Tel était le nom du nouveau venu. Il y eut un moment de silence. Le petit bout d'homme regardait fixement dans la cheminée le chenet de gauche, tandis que M. Watson Tuttle, les yeux égarés, perdait contenance. « À merveille !» répéta le petit monsieur au bout de 5 minutes. « Je dirais même, on ne peut mieux. » Il se frottait les mains avec vigueur, comme s'il eût entrepris de les enflammer. « Que voulez-vous prendre ?» demanda Tuttle avec cet empressement désespéré de l'homme qui sait que son hôte, à moins qu'il ne prenne congé, n'a qu'une bien maigre chance de prendre quelque chose. « En vérité, je ne sais pas trop. Avez-vous du whisky ?»« Du whisky ?» reprit Tuttle très lentement, afin de gagner du temps. « J'ai eu d'excellents whisky. Un whisky remarquablement fort. La semaine passée, je l'avais encore, mais il n'en reste rien. » Et naturellement, sa force est à toute épreuve. Ou en d'autres termes, ne peut plus être mise à l'épreuve, dit le petit bonhomme en riant aux éclats, comme s'il eût été ravi que le whisky eût été bu. M. Tuttle sourit, mais son sourire était celui du désespoir. M. Gabriel Parsons insinua délicatement, lorsqu'il se fut calmé, que vu l'absence de whisky, il ne dédaignerait pas d'accepter de l'eau-de-vie. Et M. Watkins Tuttle alluma le plus ostensiblement qu'il lui fut possible un bout de bougie et brandit une énorme clé qui n'était en réalité que celle de la porte de la rue, mais qui, dans le but de sauver les apparences, devait momentanément fonctionner dans un cellier imaginaire. Puis il sortit pour supplier son hôtesse de vouloir bien porter des verres dans le salon, en attendant qu'elle les portât sur sa note. Le succès couronna l'entreprise. Les esprits furent lestement évoqués, non des sombres profondeurs, mais bien de chez le marchand voisin. Les deux petits bouts d'hommes préparèrent leur grog, après quoi ils s'assirent confortablement devant le feu. « Tuttle, dit M. Gabriel Parsons, vous connaissez ma manière d'être, ouverte et toute de prime saut. Je dis ce que je pense ce que je dis. Au diable la réserve. Je ne puis pas supporter l'affectation. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. » Après cette profession de foi, le petit bout d'homme fit une pause et avala une longue gorgée de son grog. M. Watkins Tuttle huma du bout des lèvres une larme du sien, ranima le feu, et prit ensuite un air profondément attentif. « Il est inutile de tournoyer autour du sujet, » reprit le petit monsieur. « Vous voulez vous marier, pas vrai ?»« Mon Dieu !» balbutia M. Tuttle, qui, craignant de se compromettre, tremblait à faire pitié et sentait dessous d'un frisson courir dans tout son être. « Mon Dieu, je ne demanderai pas mieux. Du moins, je suppose que je ne demanderai pas mieux. »« Cela ne suffit pas, » dit le petit bonhomme. « Dites la vérité, toute la vérité, ou nous en resterons là. Avez-vous besoin d'argent ? Vous savez bien que oui. Vous êtes un appréciateur du sexe. Je le suis. Et vous ne seriez pas bien aise de vous marier. Si fait. Alors vous le serez. Il faut en finir. » En disant cela, M. Gabriel Parsons savoura une prise et prépara un nouveau grog. « Permettez-moi de vous prier d'être un peu plus explicite, » dit Tuttle. « Je suis, ce me semble, le principal intéressé dans cette affaire et je ne saurais consentir à ce que l'on disposât de moi à la légère. Voici le fait, » répliqua M. Gabriel Parsons surexcité autant par son sujet que par l'eau-de-vie. « Je connais une dame, elle demeure avec ma femme en ce moment, qui est précisément votre affaire. Bien élevée, parlant le français, jouant du piano, au courant d'une foule de choses relatives aux fleurs, aux coquillages et un tas de choses comme cela. Elle a 500 livres sterling de rente et la faculté absolue d'en disposer par testament. « Je lui ferai ma cour, » interrompit M. Watkins Tuttle. « Elle n'est pas très jeune, n'est-ce pas ?»« Pas trop, non. Précisément l'âge qu'il vous faut. J'ai déjà répondu à cela. » « De quelle couleur sont les cheveux de la dame ?» hasarda M. Watkins Tuttle. « En vérité, je ne saurais vous dire, » répondit M. Gabriel Parsons avec une grande indifférence. « Je crois bien vous remarquer dans le temps qu'elle portait un tour. »« Un quoi ?» s'écria Tuttle. « Une de ces choses, vous savez, avec des boucles, là, tout du long, » répondit Parsons, traçant du bout du doigt une ligne droite sur son front, parallèlement à ses yeux, pour mieux se faire comprendre. « Je sais que le tour est noir. » Mais sur ses propres cheveux, je n'en puis pas dire long, parce qu'à moins qu'on ne marche derrière elle, et qu'elle a dérobé, on en aperçoive un soupçon pointant hors du bonnet, personne n'en a jamais rien vu. Je crois toutefois pouvoir assurer qu'ils sont un peu plus clairs que ceux du front, grisonnant, peut-être. M. Watkins Tuttle parut avoir comme un pressentiment. M. Gabriel Parsons s'en aperçut et crut prudent d'engager sans retard la seconde attaque. « Maintenant, dites-le-moi franchement, Tuttle, avez-vous jamais été amoureux ?» M. Watkins Tuttle rougit du bas en haut jusqu'aux yeux, du haut en bas jusqu'au menton, et se colora d'une variété infinie de nuances lorsqu'il fit l'aveu de son innocence. « Je suppose que cela vous est arrivé plus d'une fois quand vous étiez jeune. Je vous demande pardon, plus jeune. Jamais de la vie !» reprit l'accusé, visiblement indigné de se voir ainsi soupçonné. « Jamais, au grand jamais !» J'ai toujours eu, vous le savez, des idées particulières à ce sujet. Je n'ai pas peur des femmes, jeunes ou vieilles, loin de là. Mais je trouve que, par condescendance pour les idées modernes, elles accordent aux hommes à marier de trop grandes licences en paroles et en actions. Il est vrai de dire que je n'ai jamais pu acquérir rien qui ressemblât à ces allures familières. Et comme j'ai toujours peur d'aller trop loin, je suis généralement considéré, j'ose le dire, comme un homme cérémonieux et froid. « Je ne serais pas surpris que vous le fussiez, » reprit gravement Parsons. « Je n'en serais pas surpris. » Toujours est-il que cela est pour le mieux, dans le cas présent. L'austérité et la délicatesse des idées de la dame en question dépassent de beaucoup les vôtres. Que le bon Dieu vous bénisse. Figurez-vous qu'il y avait, lors de son arrivée à la maison, un vieux portrait de je ne sais qui, avec deux yeux noirs et fixes, pendus dans sa chambre à coucher. Elle refusa positivement de se mettre au lit avant qu'on l'eût enlevée, considérant que passer outre serait de la dernière inconvenance. « Je partage cet avis, » dit M. Watkins Tuttle. « Assurément. » L'autre soir encore, « Je n'ai jamais tant ri de ma vie, » reprit M. Parsons. « Étant rentré à la maison escorté par le vent d'est, j'avais attrapé une diable de névralgie faciale. Eh bien, comme Fanny, c'est Mrs. Parsons, vous savez. » Comme Fanny, son amie, moi et Frank Ross faisions un robot whist, je dis en plaisantant que, lorsque je me mettrai au lit, j'envelopperai ma tête dans le jupon de flanelle de ma femme. La dame en question jeta immédiatement les cartes et quitta le salon. « Voilà qui est parfait !» s'écria M. Watkins Tuttle. Elle ne pouvait pas se conduire d'une façon plus digne. « Vous vous êtes sans doute excusé d'avoir froissé ses sentiments ?»« Pas le moins du monde !» Le lendemain matin, à déjeuner, l'affaire revint sur le tapis. Elle soutint que la moindre allusion à un jupon de flanelle est une grossière inconvenance, que l'on ne saurait admettre que les hommes se doutent qu'il existe de semblables choses. Je plaidais les circonstances atténuantes en faveur de ma qualité d'homme marié. « Et que répondit la dame à cela ?» demanda Tuttle, intéressé au plus haut point. Elle changea de terrain et dit que Frank étant tout simplement un célibataire, son incongruité était sans excuse. « Noble créature !» s'écria Tuttle en extase. « Nous avons dit à l'instant, Fanny et moi, qu'elle était absolument taillée pour vous. » Un rayon de placide satisfaction éclaira la face ronde de M. Watkins Tuttle lorsqu'il entendit cette prophétie. « Il y a une chose que je ne puis pas m'imaginer, » dit M. Gabriel Parsons en se levant pour partir. « Mon salut éternel en dépendit-il ? Je ne parviens pas à m'imaginer comment diable vous arriverez à vous mettre d'accord. La dame en viendra immédiatement en convulsion quand vous aborderez le sujet. » Et M. Gabriel Parsons sera assis et rit à non plus pouvoir. Tuttle lui devait de l'argent, il avait donc parfaitement le droit de rire à ses dépens. M. Watkins Tuttle eut un instant d'épouvante à la pensée que ceci pouvait bien être, entre la moderne Lucrèce et lui, un point de contact supplémentaire. Il accepta toutefois, avec beaucoup de fermeté, l'invitation que lui fit M. Gabriel Parsons de venir dîner le surlendemain chez lui avec le pasteur de la paroisse. Une fois seul, il envisagea l'avenir avec assez de tranquillité d'esprit.